de vos lèvres sur ma joue, de vos bras enroulés comme des colliers à mon cou. Comme si rien ne dure, un jour je vous lâcherai comme un vieil élastique à bout de force qui dessert son étreinte dans des archives oubliées, désolidarisées. Désolé de ne pas tenir le job.